Jean Léco. Vers Bois de France. Moi je le vois dans un rêve. Je leur dis toute la vérité que je suis ambitieux et que rien ne m'arrête. Je veux pas passer ma vie à profiter des acédiques parce que je suis sûr qu'on ramasse de l'or. J'aimerais aller d'un pic. Pas que je m'arrête, c'est comme si passer me rattrapait. Me demande pas pourquoi ma place est là, mais sache qu'à ton âge rappé. Verbal croix de le soir me fait beaucoup trop cogiter. J'ai envie de penser le temps, c'est de l'argent, mais faut éviter de se planter. Si tu sais d'où tu viens et tu veux leur piquer la place, alors pourquoi on les voit tous créer une vie sur bout de face? Dans la vie, y'a celui qui tombe et y'a celui qui gère. Faut savoir celui qui court finir l'âge du parterre. J'ai comme tous les jours une grande envie d'avancer, pas de pioncer. En vrai, c'est ce qu'il y a dans mes pensées. Désolé si je rappe pas français. Français, les vrais, s'y connaissent pas la crise, il faut que tu te renseignes. J'ai comme tous les jours une grande envie d'avancer, pas de pioncer. En vrai, c'est ce qu'il y a dans mes pensées. Désolé si je rappe pas français. Français, les vrais, s'y connaissent pas la crise, il faut que tu te renseignes. Faut pas qu'un jeune peut te rendre l'aspi pour créer un buzz. On est tous que des grappes de raisin pour ça que la vie nous résonne. Mec, je suis pas le seul à le faire. À tous vous mettre ta tête à l'envers avec un flot d'éther dur comme de la pierre, coupe pas comme du verre. J'ai fait IEM dans ma tête pour faire l'idée, j'ai trop cogité. Alors j'ai trouvé ma place dans l'humilité. Pour rentrer dans le game, pas le choix, j'ai gardé mon calme. J'ai gravi les montagnes, maintenant je me garde dans la gagne. Tout le monde s'est arrêté. À croire qu'ils ont cru à l'apogée. Moi je reste dans la réalité. Passerai pas ma vie à m'interroger. J'ai comme tous les jours une grande envie d'avancer, pas de pioncer. En vrai, c'est ce qu'il y a dans mes pensées. Désolé si je rappe pas français. Français, les vrais, s'y connaissent pas la crise, il faut que tu te renseignes. J'ai comme tous les jours une grande envie d'avancer, pas de pioncer. En vrai, c'est ce qu'il y a dans mes pensées. Désolé si je rappe pas français.